Vous êtes assez fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, Télévision, Star Trek sera bientôt de retour au petit écran. Avec la télé HD, il va falloir qu'il augmente le budget des maquillages Klingon. Dans le segment Geek CX, les gratteux passent enfin au tactile, mais les gens risquent de graffiner leur écran, les utilisant de la monnaie, je suis sûr, avec le public qui ont. Et dans Merci Science, voir à travers les murs avec du Wi-Fi. Le Mathieu Planchot commence tout de suite. Et voici celui qui gratte le bobo, mais gagne jamais le gros lot, Mathieu Plante! Des petits gags faciles écrits à la dernière seconde, ça paraît-tu? Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 2 novembre 2015, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de science, technologie et médecine, merci science, le segment Geek CNX. Et dans quelques instants, ça va être la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre. On va parler de musique avec notre collaborateur Samuel Girard. Et justement, question de commencer avec de la musique orchestrale, de la musique de jeux vidéo. J'ai choisi une de mes pièces préférées du jeu Super Mario 3D World. Aucune surprise que ce soit un jeu de Mario. J'ai choisi une pièce donc composée par Koji Kondo, Mahito Yokota, Toru Minegishi et Yasuaka Iwati. Pour le jeu Super Mario 3D World, c'est Staff Credit, c'est la pièce qui termine le jeu en trame sonore d'au revoir. On écoute ça à l'instant. Super Mario 3D World par Koji Kondo et ses amis au nom complexe dans le Mathieu Plante Show. C'était une pièce orchestrale, donc avec un vrai orchestre pour embarquer dans la chronique sur la musique de Samuel Girard. Aujourd'hui, voici d'un gamer à un autre. C'est épique, ça, je pense. Hein? C'est très, très épique. Wow! Final Fantasy VII, Sephiroth. Oh oui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Sephiroth? Parce que je crois que dans tous les groupes de musique qui reprennent des chansons de jeux vidéo, incluant les orchestres, les groupes, eh bien, comment dire, Sephiroth est extrêmement populaire et repris par beaucoup trop de monde. Ouais. Mais c'est tellement bon, ça dérange pas. Et tout le long de la chronique, on va entendre des pièces de l'orchestre de jeux vidéo. Oui! Dont des jeux que moi j'aime, des jeux que peut-être que t'aimes. Je vais essayer d'en choisir des différents pour pas tout le temps être dans le même genre. C'est bon. Donc, très simple, comme t'as dit, l'orchestre de jeux vidéo. Pourquoi? Orchestre pourquoi? De jeux vidéo. Je comprends rien. Ben, j'ai été les voir samedi. Arrête-moi non ça. Ben oui, hey, j'ai décidé que mon Halloween, c'est pas comme tout le monde. Non, mais là, les affaires clichés plates, là, c'est on ça. Laisse ça aux autres. Donc, je me suis déplacé à Montréal. J'ai été dans une école... l'amphithéâtre, okay. Et j'ai été regarder un spectacle d'un orchestre symphonique qui joue des chansons de jeux vidéo. Et leur nom, c'est Orchestre de jeux vidéo? Exactement. C'est générique, pas mal comme nom de... Oui, hein, mais ouais. c'est droit au but. C'est ça, exactement. Ça fonctionne. On comprend ce que c'est dès le départ. Exact. Donc, c'est ça, ça a été une très belle soirée. Juste faire un petit résumé, dans le fond, que c'est quoi les musiciens qui ont placé? Parce qu'on se doutait, OK, mais l'orchestre est composé de quels musiciens? Ouais. Donc, il y avait des flûtes, du hautbois, cors anglais, clarinette, basson, saxophone, cors, trompette, trombone, euphonium, tuba, basse, percussion et piano. Varié. Oui. Mais comme tu t'en rends compte, j'ai pas nommé de violon, alto, violoncelle ou contrebasse. C'est vrai. C'est voulu? C'est leur style qui se donne? Ben, je pense que c'est leur style. Okay. Parce que j'ai vu d'autres orchestres de jeux vidéo qui ont beaucoup d'instruments à cordes. Absolument, oui. Alors que eux, c'est pas le cas. Beaucoup d'instruments à vent. C'est charmant, des instruments à cordes. Ben moi, j'aime mieux ça. Oui. Par contre, la manière qu'ils ont arrangé leurs affaires, j'ai pas eu aucun bug avec ça. Oui. Donc, c'est compensé autrement. Avec c'est la... ça. Ouais. Quoique le son du hautbois est excellent et des fois, ça permet un peu d'aller chercher ces petits arrière-fonds qu'on étire comme ça au même titre qu'on le ferait avec un instrument à cordes. Ouais. Mais je suis pas musicien, je commencerai pas à tomber dans les affaires techniques du pourquoi. En tout cas, j'ai juste remarqué qu'il y avait pas d'instrument à cordes. Ouais. Question pour toi, l'orchestre des jeux vidéo, ils reprennent des chansons de jeux vidéo à travers l'histoire. Oui. C'est pas nécessairement des pièces qui ont été utilisées telles quelles dans des jeux vidéo comme moi. Tantôt, ce que j'ai fait jouer, c'est de la musique d'orchestre, mais ça venait, c'est comme ça dans le jeu, parce qu'en 2015, c'est on est rendu qu'on a la place. C'est ça, non, eux, c'est des arrangements. Des arrangements de chansons qui n'étaient pas à l'origine par un orchestre. Exactement. Il y en a que c'est très près, mais il y en a d'autres que c'est vraiment un arrangement à partir de petits sons 8 bits comme on avait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont joué cette soirée-là? C'était la thématique Final Boss. OK. OK. Je me rappelle, j'ai fait à la blague, quand j'avais été voir Video Games Live en mars dernier, j'avais dit, moi, ça me prend une chanson de Sonic. Oui. Et un moment donné, quand on approchait la fin de la première partie, eh bien, ils ont joué un medley de Sonic the Hedgehog 1. Génial. Et ça m'a fait tellement plaisir. Tu devais avoir le poil sur les bras qui t'a levé, là. Moi, comme, c'est le genre de choses. Que... Ouais, c'est ça, ça comme me donne t'as ça. Pas idée. J'ai la chair de poule quand j'entends un arrangement réussi des chansons de Sonic au Sega Genesis. Et là, moi, je suis assis avec du monde. Puis je dis. Puis je répète encore la même chose. Ah, oh, ça me ferait tellement plaisir s'ils jouaient une chanson de Sonic. Juste ça, ça vaudrait le prix du billet. Je pourrais partir après, puis il n'y aurait pas de problème. Le message s'est passé. Ils ont envoyé un petit papier de banc en banc jusqu'à l'orchestre. Puis ils ont fait ça, ta demande spéciale. Ben, c'est ça. Juste le spectacle ça. Commence. Et si c'est pas la chanson thème de Robotnik, qui est le boss de Sonic, qui commence, ils ont ouvert le spectacle avec ça. Wow! Et là, à la fin de la chanson, tous les. On était six. À être allés ensemble. Et là, les cinq sont venus en haut et ils disent: bon, ben, tu peux t'en aller. Ah, j'ai pas fait de version debout, je m'attendais à une version debout. Non, mais. L'ovation debout a duré très longtemps à la fin de la première partie et à la fin du spectacle surtout. Ouais. Donc, ils ont commencé très fort pour mes goûts à moi. Mm-hmm. Et après ça, on a eu droit à Bowser de Super Mario Bros. Ils ont fait un medley des vieux Mario Bros en passant par, dans le fond, Mario World et Super Mario 64. Génial, mais que des musiques de boss de Bowser de fin. C'est ça. Il n'y a jamais de musique d'environnement qui a joué. Des fois, ils font des petites transitions entre des deux thèmes. Ouais. C'est ça, ou c'est que là, ils jouent une chanson d'un niveau, comme pour Dr. Robotnik. Ils ont joué, entre deux thèmes, ils ont joué Mystic Cave. Okay. Qui est un des niveaux. Donc, ça n'a pas rapport avec un boss, mais ça faisait une belle transition entre les deux. Ensuite, on a eu Lavos et Magus de Chrono Trigger. Ensuite, il y a eu King K. Rool de Donkey Kong Country. Oh, wow! Pour vrai? Oui! Et c'était un medley de toutes les Donkey Kong Country. Ah, wow! C'était super beau. Je vais l'avoir en tête pour le reste de la journée. Ouais, c'est ça. Il y a eu Genova and Sephiroth de Final Fantasy VII. Ensuite, au retour de l'entrée, on a eu Zero Two de Kirby. Ensuite, il y a eu Ganon, donc c'était tout le medley de The Legend of Zelda. Là, ça fait Kirby et ensuite Gannon que t'as dit. Genre, ouais. C'est comme tellement deux opposés de style de jeux vidéo, ça doit être un petit peu plus enfantin, Kirby, la musique du boss, non? C'est pas si pire. Pas si pire que ça? Non. Okay. Ça passe très bien. Ensuite, on a eu Dr. Willy. OK. Donc de Megaman, ouais. Et ils ont terminé tellement en force avec une chanson qui dure pratiquement 15 minutes, Dancing Mad, qui est la chanson du boss final de Final Fantasy VI. Mm. Sérieusement, c'est un bijou. Donc ça a vraiment fini en force. Et en rappel, on a eu droit à, dans le fond, un medley de toutes les chansons qu'ils vont jouer dans leur prochain spectacle. Ouais. Prochain spectacle qui est au mois de février, okay. Encore à Montréal. Et la thématique, ça va être Roleplay Game. Les jeux donc, de rôle. Toutes les chansons de jeux de rôle connus. Dont les Final Fantasy encore. Dont les Final Fantasy, Pokémon, ouais. Super Mario RPG qui ont annoncé aussi. Donc plein de jeux comme ça, les Chrono Trigger. Ouais. Donc, il n'y aura pas Dr. Mario parce que là, moi, les chansons qui jouent en arrière, je les connais toutes. Oui. Puis j'ai comme envie de juste hocher de la tête sur Dr. Mario. Comment la que je parle, tu peux le faire? Ah ouais, ok, parfait. Je vais parler pas nécessairement dans le micro. Ouais, c'est ça, exact. Oh, l'effet est pas pire. Il y a des chroniqueurs qui font ça à l'émission des fois aussi. Oh, c'est chiant. Tant que je le fasse pas, c'est correct. C'est ça. Donc, c'est ça, vraiment excellent spectacle. L'orchestre est de haute qualité. Ouais. Les gens qui nous parlent entre les chansons, sérieusement, c'est de très beaux communicateurs. Ils font d'excellents gags. Et c'est toutes des blagues reliées aux jeux vidéo. Je trouve ça vraiment excellent. Mm. Ça a été travaillé, là. C'est pas juste quelqu'un qui dit « Bon, ben on vient d'entendre telle chanson et voici telle chanson, puis il retourne s'asseoir. Ouais. » Non, non, non, c'est beaucoup plus que ça. En début, comme première partie du spectacle, on avait quelqu'un qui jouait à Mario Maker sur la Wii U. C'était diffusé sur grand écran géant en avant. Et pendant ce temps-là, on avait comme un corps d'orchestre qui jouait la chanson de Mario pendant que le gars y jouait. C'était quand même drôle. C'est fort. Et à la fin du spectacle, avant le rappel, ils ont pigé pour des numéros pour des gagnants de différents prix. Mm-hmm. Mais pour déterminer qui allait avoir le premier choix, ils ont installé les quatre sur Mario 3D World, oui. Sur la Wii U. Et ils ont fait un niveau où les quatre faisaient le niveau en coop, mm-hmm. Mais il y avait des points qui étaient attribués à chaque sur le nombre d'ennemis battus et sur la vitesse d'exécution. Et celui qui avait le plus de points avait le premier choix du prix. Ben, je trippe donc bien, moi, là. Fait qu'on... Puis en même temps qu'il jouait, ben, c'était l'orchestre qui jouait la chanson, qui joue normalement en background, quand que... wow. En arrière-plan, quand il y a le niveau... Ça devait sonner comme ce que j'ai fait jouer tantôt, parce que c'est une chanson du même jeu. Mais c'était ça. Ben, voyons. Exactement. Donc ça, c'était vraiment... Ça, j'aime ça quand, dans un spectacle comme oui. Ça. Quand on inclut la foule, de même. Donc, c'est ça. Je vous le conseille fortement. Et comme je vous dis, mois de février... Allez voir sur leur site, leur page Facebook. Mm-hmm. Ça va être encore un excellent spectacle, j'en suis certain. Génial. Deuxième partie, tant qu'à être dans la musique, continuons à parler de musique de jeux vidéo. Allons-y. Donc, j'ai amené un top 10 des meilleurs... comment dire? Soundtrack? Meilleurs trames sonores de jeux vidéo. Ça, oui, je cherchais le... j'avais original soundtrack, mais non, c'est trame sonore en français. Oui, une BO des fois qu'on appelle une bande originale. Ouais, effectivement. Personne dit ça, mais je sais que c'est une expression. Je vais utiliser trame sonore parce que j'aime mieux ouais, ça. Je préfère ça aussi. Donc, trame sonore des jeux vidéo rétro. Évidemment, c'est pas mon top 10 à moi. Non. Parce que je connais pas tous les jeux. J'analyse pas la musique comme des musiciens le feraient. Mm-hmm. J'ai laissé des experts parler pour moi. Donc, j'ai été chercher le top 10. C'est de Watch Mojo qui font des top 10 sur tout. C'est, puis vraiment, ils en font de la recherche. C'est ça, c'est vraiment de la recherche et c'est des connaisseurs qui parlent. Évidemment, c'est l'opinion du connaisseur qui fait le top 10. Mm-hmm. On s'entend. Par contre, c'est fait professionnel, donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce top 10-là? Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai amené des extraits de 20 secondes mm-hmm. de chaque trame sonore que je vais vous parler. Donc, ça va permettre de se faire une idée. Est-ce que Mathieu, t'es prêt? Toujours prêt. Parfait. Donc, en 10e place, c'est Final Fantasy VI qui est sorti en 1994. Donc, si tu veux faire jouer le morceau 10... Donc, je vous ai dit que dans le spectacle, ils ont joué Dancing Mad de Final Fantasy VI. Et bien, c'est cette chanson-là. On vient d'avoir un 20 secondes de la chanson qui dure, je pense, à peu près 12-13 minutes. Là. Okay. C'est une excellente chanson de jeu vidéo, sérieusement. Là. On traverse une grande gamme d'émotions en l'écoutant. En 9e place, ils ont mis le jeu, un jeu que je connais juste de titre, mais que j'ai jamais joué, Quake 2. Qui est sorti en 1997. Est-ce que tu connais un petit peu les jeux de la série Quake? Absolument pas. OK, donc c'est un peu à la Doom. OK, OK. Okay, donc, pas mon genre de jeu, donc c'est ce que ben, c'est ça, moi non plus. Et j'ai été surpris parce que le jeu a besoin d'un climat particulier. Et les compositeurs ont décidé d'aller vers quelque chose d'assez brutal comme musique. Et donc, tu fais jouer l'extrait 9, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, les compositeurs qui se sont inspirés vraiment du mouvement heavy metal pour donner vraiment le feeling qu'ils recherchaient. Puis sérieusement, j'aime vraiment ça. En 8e place, ils ont placé Sonic the Hedgehog 3. Oh, le 3, là. Mm. Eux autres, ils ont choisi le 3. Personnellement, moi, c'est le 2 okay. qui a la meilleure musique. Mais si on y va avec l'aspect qu'ils ont été chercher Michael Jackson pour faire la chanson du 3, Michael Jackson, que suite à certaines accusations qui étaient faites, a été retiré du projet. Ouais. Et il n'y a aucun crédit qui lui est donné. Même lui, il dit qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Mais il y a tellement de signatures où on reconnaît certaines similitudes avec ses chansons sur ses albums pour certains morceaux. Ils ont dit « Non, non, non, regarde, t'as participé. C'est juste qu'à cause de certaines circonstances, t'as été complètement retiré. » Bon, il est discrédité. C'est ça. Mais même lui, il dit qu'il n'a rien touché. OK. Il dit ça dans bien des affaires. Ouais, ben, c'est il ouais, disait c'est... ça, excuse-moi. Oh! Pire, ben, too soon, too soon. Oh, non! Mais c'est ça. Bref, donc, eux autres, ils ont décidé d'y aller avec Sonic the Hedgehog 3. Ça, pas ce point-là. Ah. Donc, j'ai choisi Ice Cap Zone, que je trouve qui est une chanson très entraînante quand je joue ce niveau-là. En tout cas, je l'aime bien, moi. Ouais. Mais c'est ça. Mais bref, si vous voulez parcourir, que ce soit Sonic Hedgehog 1, 2, 3 ou Sonic & Knuckles, sérieusement, la musique est excellente, peu importe le jeu, selon moi. Mm-hmm. En tout cas, je me tanne pas. Je refais les jeux régulièrement et je me tanne jamais de la musique. Ça a vraiment un impact majeur sur l'expérience du jeu. Et Ice Cap était le surnom de ses condoms à Michael Jackson. Mais oh! J'arrête de... Ouais, je suis tout sûr. Je vais passer au prochain. Ça va peut-être... Oui, oui, oui, c'est ça. Donc, en 7e place, eh bien, c'est Donkey Kong Country 2. Ah! Oui, deux. Là, oui, je suis d'accord avec ça. Donc, de 1995. Oui. Sérieusement, c'est un jeu que j'ai pas encore assez joué. Mm. Mais là, récemment, je suis retombé. Justement, je me suis dit, gars, je vais me faire une liste de jeux, de classiques que j'ai manqué dans ma jeunesse parce que j'avais pas la cassette. Mais là, j'ai les cassettes. J'ai les Donkey Kong Country. J'ai les Mega Man. Je commence à en avoir des Final Fantasy. Ouais. Ben, go. Pourquoi que je joue pas? Puis pourquoi pas des remasters en 3D, en HD de ces jeux-là? Pour vrai, j'aimerais ça, ça le fait. Ben oui, ben oui. Ben oui. T'es pas obligé en 3D, mais j'ai vu ça HD. Des... Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu ça, moi, des gens qui ont juste repris le jeu en 3D, mais en 2D, pardon, mais en redonnant juste des graphiques HD, réalistes de mouvements supplémentaires, juste réenregistrer la musique pour que ce soit avec plus moderne. Avec un orchestre, peut-être. C'est ça. Puis sérieusement, c'est malade. Je paierais minimum 100$, OK, pour avoir une remasterisation des jeux de Mario dans le moteur de 3D World et les remasters de Donkey Kong Country dans le moteur de Donkey Kong Country Returns sur la Wii U. Je paierais minimum 100$ par collection. Wow! C'est vendu, pour moi, c'est vendu tout de suite. Mais sûrement que pour moi aussi, ça le serait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu peux y aller. Magnifique. Wow. J'ai déjà fait jouer des pièces. Ça, c'est des pièces aquatiques de Donkey Kong Country. Oui. Celle-là, je crois pas, mais des chansons plus relaxes. C'est pas d'un niveau bonus quand tu prends d'un barin à un autre, c'est quelque chose de même. Là. Je connais pas assez. Je pense que c'est celle dans les... Il y a des genres de vignes piquantes, c'est, celui-là. C'est en plein, celui-là. Tourne, c'est ça, non. Mais il y a des pièces calmes comme ça. J'ai fait jouer ça au Mathieu Plancho dans le temps à d'autres émissions. Et puis, on m'avait dit, ben oui, on se met trop calme. Non, mais ça te met dans un mood, ça, mais, là. Mais c'est là, ça. Ben c'est qu'il faut comprendre. C'est comme là, les trois premières, j'ai choisi des chansons qui brassaient un peu plus. Ouais. Là, tout d'un coup, j'arrive avec ça qui est très calme. Mais c'est pas grave. C'est que faut vivre le contexte de où est-ce que t'es dans le jeu. Oui. Donc, c'est pas, là, vous dites ça. Ben oui, mais la chanson est calme. Oui, oui, mais si vous jouez au jeu en même temps, ça va cadrer dans le contexte d'où vous êtes dans le jeu. À timer, aligner des barils, te lancer dans le vide. C'est t'as ça. Besoin de calmer ton cerveau. C'est pas le temps de mettre de la guitare électrique. Absolument là. Absolument pas. C'est ça, donc sixième place. T'en as fait jouer quand j'ai vu mon spécial Halloween. Oui. Je parle évidemment de Castlevania. Ben oui. C'est sûr que Castlevania, fallait qu'il y ait une place dans ce top 10-là. Sérieusement, la musique est fantastique. Donc, qu'est-ce qui a été choisi par WatchMojo? C'est Castlevania Symphony of the Night de 1997. Sérieusement, j'ai écouté quelques-unes et j'avais de la misère à choisir laquelle que j'apportais pour l'émission. Écoute, il y a du piano, il y a de l'orchestration. C'est déjà très complet malgré l'année. Donc, vas-y. On écoute. Non, mais écoute, là, regarde, je joue à ce jeu-là, là, puis je m'attendrais pas de la musique. Là. Pupu. Ça, c'était le thème de Dracula, en passant. Ah oui, ça disait que... Dracula, Dracula. Je voulais chanter par-dessus, mais je veux pas manquer de respect. Ça, c'est excellent. Cinquième place, Chrono Trigger. Mm. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il me semble qu'il y a une grosse similitude dans ton top 10, puis qu'est-ce que tu viens de nommer de l'orchestre de jeux vidéo? Ta passion du goût, hein? Ben, c'est ça, exactement. Fait que, ta gueule, hein? Je peux pas mieux dire. C'est ça. Ah, c'était direct, ça. Ouais, mais là, c'est qu'elle a arrêté de juger. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? Tu mets des mots dans la bouche du public. Exactement. Chrono Trigger 1995, un jeu que j'ai pas encore joué, puis on n'arrête pas de m'en parler. Mm. Donc, oui. Oui, je vais jouer bientôt. J'ai pas le choix. Le jeu a l'air trop bon. La musique est bonne. L'histoire est vraiment trop bien pensée. Donc, sérieusement. Toujours garder en tête que on parle ici d'un jeu où il y a beaucoup de voyages dans le temps. Mm-hmm. Donc oui, il y a beaucoup de chansons ambiantes parce que tu te promènes dans le temps. Ça cadre parfaitement. Les deux prochaines positions, ça a été un peu des surprises pour moi. Jusqu'au moment où j'aille écouter des extraits puis que je me dise « Ah ben, ok, je comprends. » Ils ont pas tort. Contrairement à notre public, qui est tout le temps en train de chialer. On l'aime, notre public. Ben oui, mais ça. Quatrième place, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time. Okay. De 1992. Il me semble que les jeux que j'ai joués de Ninja Turtles, il n'y avait rien qui m'accrochait vraiment. Mm-hmm. À vous de juger. Ben, le 4. On s'entend, assez entraînant. Ouais, pas mal, ouais. T'accrocheur. Exactement. Troisième position, Streets of Rage 2 de 1992. Est-ce que t'as déjà joué au Streets of Rage? Non. Ben, peut-être. Je me demande. Ben, un peu, c'est les jeux de. Ça a été à la mode à un moment donné des jeux de combat un peu dans la rue. C'est ça. Des genres de beat'em up qu'on appelle souvent. Tu fais juste avancer. Ben, c'est ça. Battletoads est un exemple. Oui. Oui. De que tu te promenais, puis il y a des ennemis qui arrivaient, puis il fallait que tu aies vaincu tous les ennemis avant de pouvoir progresser. Mm-hmm. Un peu plus loin dans le niveau. Donc, ce style de jeu-là. C'est souvent un écran à la fois, t'arrives au bout de l'écran, puis on tasse d'un autre écran des fois. Exactement. Ouais. Okay. Et tant que t'avais pas tout battu les ennemis, ben, t'étais pris dans le même écran. Oui. Donc, mais ces jeux-là avaient souvent Street dans le titre. Fait que c'était-tu Streets of Rage, je sais pas. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, on s'entend. Il y en a beaucoup d'êtres même. C'est ça. Streets of Rage, j'ai pas trouvé de chanson qui m'a vraiment accroché. Mm-hmm. Donc, je vais en prendre une. Il y a sûrement une raison qui fait en sorte que c'est quand même la troisième place de ce top 10-là. En haut de bien des affaires qu'on aurait mis bien au-dessus, nous autres. Exactement. Ouais. Exact. Tout est selon les goûts. Alors, vas-y. Donc ça, comme je te dis, j'écoute ça, puis OK, parfait, bel arrangement, ouais. Mais il n'y a rien qui m'accroche non. Comme on entend dans d'autres chansons. Par contre, peut-être que si je joue au jeu, je vais dire, coudonc, ils ont donc bien toutes des chansons parfaites pour chacun des niveaux avec le climat qui nous est donné. Mm. Je sais pas. Donc, ça sonne générique, là, comme on l'a entendu. Il me semble que c'est pas particulièrement... C'est ça. Ouais. Ou peut-être que j'ai pas choisi la bonne chanson. Peut-être que je... Peut-être que si j'écoute... Connaître l'album peut-être que si j'écoute au complet, je vais trouver des affaires que je vais faire « Wow! » Mais bref, en troisième place, c'est quand même Streets of Rage 2. Deuxième place, là, on tombe à quelque chose. Sérieusement, moi, c'était ma première place. Okay. Mais étonnamment, ça se retrouve deuxième dans leur top 10. Je parle ici de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oui, ben oui. On s'entend, là. On me parle de musique de jeux vidéo. Il n'y a rien d'autre qui me vient en tête de mieux que qu'est-ce qu'on nous a présenté dans Ocarina of Time. Même je parle si en termes de jeux rétro. Jeu, tu as déjà entendu les chansons de ça. Ben oui, quand j'avais fait ma chronique là-dessus, dans mes débuts, j'avais apporté toutes les chansons des flûtes qu'on apprenait. Mm-hmm. J'avais la chair de poule. C'est des classique. Mélodies fantastiques. Imagine, là, j'ai juste choisi la chanson du thème principal quand que t'es au début. Tu sais, j'ai hérité dans rien d'extrême encore, puis déjà ça, c'est excellent. Puis tu commences le jeu. Puis là, t'as tout ce qui s'en vient encore. Mais c'est ça, mais The Legend of Zelda, moi, presque personnellement, dans les jeux rétro, c'est mon coup de cœur. Mm-hmm. C'est ce que j'aurais mis en première place. Avant de donner la première place, le Watch Mojo a toujours ses mentions honorables. Ah, OK. J'ai pas amené d'extrait pour ça. Mm-hmm. Je vais juste nommer les jeux des fois que ça calmerait un peu la frustration de certains qui disent « Comment ça, ce jeu-là, il est pas? » Ils sont encore en train de chialer, selon toi. On sait jamais. On sait pas. Donc, c'est ça. Donc, Watch Mojo a noté « Command & Conquer » de 1995, mm-hmm. « Diablo » de 1996, ouais. « Earthworm Jim ». Oh, oui, c'est vrai ça. On y pense. C'est un grand oublié des jeux de plateforme. Souvent. Oui. Souvent. Mais c'est excellent. Ça reste très bon. Ouais. De 1994. Et celle-là, j'ai vraiment grimacé en voyant ça. Mais Parappa de Rapper. Oh boy, non. Ok, non. Comme Trams. Est-ce que tu connais ce jeu-là? Ben oui. c'est du rap de carton, genre. C'est ça. C'est bizarre, ce jeu-là. C'est pas, j'ai déjà joué. C'est pas. C'est le fun. Tu appuies sur des boutons en même temps que les paroles ont lieu à l'écran, mais à l'audio. Mais pour moi, c'est comme de dire « Ah, ben, The Dance Revolution ». Oui, ben c'est ça, parce qu'en tant que tel, c'est des chansons de d'autres, mais les chansons de Parappa ont été écrites pour Parappa, donc ça avait un petit peu c'est moins pire. Mais moi aussi, j'ai grimacé quand j'ai vu ça, puis que j'ai entendu la musique. Oh, mais c'est plus une parodie qu'un c'est jeu ça. De rap. Exactement. Les rappers diraient pas genre « Oh, wow, moi je serais sur Parappa the Rapper ». Je pense pas. Peut-être. Exact. Mais en tout cas, il était dans la liste. C'était peut-être une bonne blague. Je ne sais pas. C'est ironique. Ouais, sûrement c'est ironique. C'est comme porter un moustache à l'année. Oh! Ben là. Oh! J'ai du tort, t'sais. Non. Non, mais bon timing au mois de novembre. Mais... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à l'année. Oh! Mois de novembre, ça va. Alors, en première place. Oui. Est-ce que tu as une petite idée de qu'est-ce qui peut être lancé? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? J'espère que c'est un Mario. Non. Non. Est-ce que c'est un nom? Je sais pas. Le numéro 1? Oui. Qui a pas été mentionné? Je sais pas. Oh. Megaman 2 Megaman de 1988. 2. Et sérieusement, ouais. Parce que c'est drôle parce que Megaman 2, j'ai fait le tour en fin de semaine. Mm-hmm. Okay? J'avais un peu de temps libre, j'ai mis Megaman 2. C'était ma première expérience des jeux de Megaman parce mm-hmm. que oui, j'étais vraiment en retard là-dessus. Étonnamment, j'ai fait le tour. OK. OK. Non, ben, il n'y a pas d'ordre là-dedans, mais. Mais Megaman 2, c'est tu choisis le tableau que tu veux, là. Oui, mais je veux dire, une fois que tu as terminé chacune des machines, ouais. qui ont toutes des éléments différents, bref, après ça, tu tombes, où là, c'est niveau par niveau okay. jusqu'au boss final. Okay. Donc, quand même, à un moment donné, tu as une ligne à suivre. Ouais. Bref, Megaman 2, mm-hmm. j'ai joué au jeu, j'ai fait le tour et j'ai vraiment accroché à la musique. Là, hier, je voulais préparer justement le top 10. Je trouve le top 10 de Watch Mojo. Et en première place, Megaman 2. Hasard. Je vais Mais c'est vrai, j'ai accroché à la musique. T'es un visionnaire. Ben oui. On y va. Ouais, ça, là. Non, mais écoute. Ouais. Puis ça, en boucle, tu l'as dans la tête, c'est sûr, là. Oui, mais ouais. Tu sais, il y a des variations de niveau en niveau. Il mm-hmm. y a tous les thèmes pour chacun des boss. Sérieusement, les trames sonores de Megaman, mm-hmm. écoutez ça. Incroyable. Oui, c'est vieux, mais c'est bon. Tout simplement. Donc, c'est ça, top 10, que vous soyez d'accord ou non, C'est pas grave. C'est un top 10 parmi tant d'autres. Oui. Toi, Mathieu, est-ce que t'as des chansons qui t'ont vraiment accroché, des trames sonores de jeux qui te restent dans la tête? Parce que là, c'est ça. Là, je vais dans le présent. En ce moment, je suis pas mal dans les orchestres symphoniques de jeux vidéo. C'est sur quoi je trippe en ce moment. C'est bien. Moi aussi, Donkey Kong Country, version originale, j'adorais. Les Link to the Past de Zelda, j'ai déjà parlé dans les jeux vidéo qui m'avaient marqué aussi, mais la oui. trame sonore aussi est absolument magnifique. Chip and Dale, je joue beaucoup à ça. Quand j'étais jeune, puis la musique me restait tout le temps en tête. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est bon nécessairement, c'est juste parce que t'as beaucoup joué dessus. Mais c'est ça. Les tic-tac, pour ceux qui comprennent pas. Tic-tac, le jeu vidéo tic-tac. T'es vraiment bon, tic-tac. Vraiment. Non, sinon, qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, moi, là, en tout cas, la trame sonore de Super Mario 64. Oui, ben oui. Excellente. Oui. Des jeux comme ça. Mario World. Moi, j'irais plus sur. Parce que j'étais plus Super Nintendo que Nintendo 64. Ouais, ben c'est ça. Mais Mario World, excellent. Ouais. Des jeux que j'ai joué beaucoup. GoldenEye, Perfect Dark. Ouais. Dans l'émission, pour te donner des bouts plus stressants, ils ont été excellents pour la chanson comme ça, pour jouer là-dessus. Donc, c'est ça. Dans les jeux récents. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que c'est un top 10 de chansons rétro. Classique. C'est ça. Ouais. Mais dans le récent, là, je regarde ça. Je m'amuse à faire ça. Tu t'en vas sur Internet, tu regardes l'enregistrement des chansons, des jeux récents, que là, ça a été fait par un véritable orchestre. Mmh. J'ai fait ça pour Halo. Ouais. J'ai déjà été voir l'enregistrement des chansons de Halo. Non, ça doit être cool, ça. On voit l'orchestre en studio, en train de tout enrichir avec l'ensemble vocal. Sérieusement, c'est un bijou. Ouais. J'ai trouvé juste un extrait de la trame de Mario 3D World que j'ai fait jouer au début de la chronique. Okay. Eux aussi qui le faisaient devant les caméras. T'sais. J'aimerais avoir non seulement l'enregistrement sur CD de la trame sonore, mais un DVD. Je comprends pas pourquoi ça se fait pas plus que ça. Il y a des DVD de show, de musique devant public. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir tous les enregistrements en DVD de nos trames sonores de jeux vidéo? Ça me serait le fun. Il ferait tellement de cash, pour vrai. Parce que les gens aiment ça. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on a? C'est des gens... complètement à part des projets qui prennent les droits et qui font des spectacles, des tournées avec ça. Ouais, c'est ça. Mais des compositeurs eux-mêmes, on a The Black Mages pour, avec le compositeur des chansons de Final Fantasy, que lui, il s'est vraiment fait un groupe et il a fait des tournées. Mais c'est rare. Ouais. On voit pas ça ben. Mais reste que, si vous voulez prendre le temps, des jeux que vous avez joué à un moment donné, prenez le temps de juste écouter. Tellement. La trame sonore, vous allez découvrir des bijoux parce que j'ai ce réflexe que quand j'embarque dans un jeu, la musique, je l'entends pas beaucoup parce que je suis concentré dans le jeu. Non, non, moi, je me concentre sur la musique trop souvent. Ouais, mais c'est ça. Ça me fait gaffer dans le jeu. C'est vrai. Mais c'est ça, ça dépend des personnes. Toi, tu devrais au contraire plus te concentrer sur l'histoire du jeu. Alors que moi, c'est le contraire. J'aurais décroché de l'histoire et regardé un petit peu plus la musique qui m'est offerte. Ce qui est bizarre sur les trames sonores de jeu, tu sais, dans le temps, au Super Nintendo, entre autres, t'avais des codes, des cheat codes pour débarrer la trame sonore du jeu. Moi, je trouve pas que c'est nécessaire. Et tu vois que ça a changé depuis les dernières années. Maintenant, c'est un menu dans bonus. T'as écouté les trames sonores de jeu. Exact. Ou si t'as fini un tableau, des fois, ça va débarrer la prochaine pièce. Ou des fois, ils sont tous là dès le départ. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ce que je trouve dommage, non seulement j'ai parlé tantôt des DVD d'enregistrement qui seraient vraiment cool, mais aussi les trames sonores de jeux vidéo, souvent, ça va être, chez Nintendo, ça va être le Club Nintendo là, qui est fini, mais il fallait que t'aies des points, il fallait que t'achètes 1000 jeux genre pour avoir une trame sonore en CD. Pourquoi vous ne la vendez pas? Vous allez faire de l'argent. Et pourquoi avec iTunes de nos jours, t'as pas la trame sonore sur iTunes? Ils font des fois, il y a des jeux, je crois que c'était Pokémon, que t'as certaines trames sonores de jeux qui sont sur iTunes. Ils devraient tout être disponible. Oui. Non, mais je suis 100% d'accord. Ouais. Je veux dire, il y a de quoi à faire avec ça. Et j'ai beaucoup d'amis qui, justement, ils trippent sur les trames sonores des jeux. Il y en a plein. Tu m'as fait penser à ça en parlant de Pokémon. Hier, j'étais à l'émission Matière Noire, mardi soir. Oui. Et oui. J'allais dire là, je sais pas, sur 21h. Sur Cifou 89.fm. Exact. Et dans les chansons que j'ai amenées, vu que j'ai parlé aussi du spectacle que j'ai été voir, j'ai amené une chanson de l'orchestre de jeux vidéo. Ouais. Puis pour faire une transition, on va te passer à autre chose. J'ai amené Gotta Catch 'Em All. Repris par Power Glove, qui a fait une version Power Metal de la chanson d'Aime. Écoute, c'était génial. Drôle aussi, j'imagine. Non, ça rentre. Ah oui. Sérieusement, ils ont été chercher le chanteur de Sonatartica qui a une voix phénoménale. Il peut se promener, pogner des notes hautes, puis pousser ça comme il veut. Puis ils l'ont amené lui comme chanteur invité. Écoute, c'est de toute beauté. C'est brutal. Wow. On cherche Power Glove au singulier. Oui, avec exactement. Gotta Catch 'Em All. Exactement, vous allez tomber directement sur la chanson. Il y a une version instrumentale, il y a une version avec le chanteur. Okay. Donc vous regardez la chanson featuring tel chanteur, ça va être celle-là. Génial. Donc, c'est ça. c'est le fun de parler de musique et c'est le fun d'écouter de la musique de jeux vidéo. Ici, on joue du chiptune, qui sont c'est en fait plus des chansons inspirées par les jeux vidéo ou créées à partir de consoles de jeux vidéo, comme je l'ai dit à chaque début d'émission. On joue moins souvent des trames de jeux, quoique on fait une fois par semaine la série musicale. Ouais. Au moins, il y a ça. J'aimerais ça en jouer plus que... Peut-être un 50-50 chiptune et trame sonore de jeu. Mais tu pourrais essayer parce qu'en fait, on a du choix. On a des chansons récentes reprises en... mode 8 bits, 16 bits. Bon, il y en a qui font ça. Il y en a qui font le contraire. Ils prennent les chansons 8 bits, 16 bits, 32 bits, ils les amènent en version orchestrale très complexe avec la technologie qu'on a aujourd'hui. On peut se promener là-dedans. On a du choix. On a du choix, c'est ça. Donc, il y en a qui ont le don de faire des montages. Là, promenez-vous. En fait, je pense que je vais mettre le lien sur la page Facebook du Mathieu Plante Show. Je l'ai juste mis sur mon Facebook personnel. Mais il y a quelqu'un. J'ai trouvé ça tantôt en fouillant un peu sur YouTube. Mais il y a quelqu'un qui a dans Mario Paint. Il y en a qui font des chansons dans Mario Paint. Si vous voulez aller voir ça, il y en a qui sont excellents. Mais la personne a fait l'histoire des musiques. Donc, c'est 9 minutes. Il part de Pac-Man, puis il remonte dans le temps. Mais c'est toutes les chansons sont faites dans Mario Paint. Wow! Ouais, ça prend du temps parce que c'est vraiment note par note. Ah, c'est note par note et t'as juste un maximum. Fait, faut que t'en fasses un, tu l'enregistres, tu mets ton vidéo là. Là, tu recommences. Tu fais un autre bout, t'enregistres. Puis avec un logiciel de montage, tu viens le placer au bout de ton note. Parce que t'as juste un nombre de mesures que tu peux faire dans le jeu. C'est tellement du travail énorme. Oui. Donc on va aller voir ça et on va l'écouter pour se laisser dans quelques instants. Pour l'instant, je te remercie Samuel Girard. Ça fait plaisir. On t'écoute à Génie en Liberté les jeudis matin à 9h30. Exactement. Demain pour ceux qui écoutent en direct. Hein? Sinon, ça joue aussi le samedi matin à 10h, je crois. C'est en plein ça. Voilà. Et Matière Noire, une fois de temps en temps, slash pas mal tout le temps, les mardis soirs. Cette session aussi s'est rendue pas mal tout le temps. C'est ça, t'es un régulier, mettons. Ben oui. Collaborateur régulier à Matière Noire avec Alexandre Marchand les mardis à 21h. Sinon, ben évidemment, ici au Mathieu Plante Show, aux deux semaines. Exactement. En début d'émission, 15h, les mercredis après-midi. Merci Samuel Girard. Fait plaisir. Comme tu l'as mentionné, on se quitte avec une excellente pièce, je l'imagine, de ta bouche. C'est toi qui l'as dit, moi je la connais pas encore. Evolution of Video Games Epic Medley, fabriqué dans Mario Paint. Et on se retrouve juste après au Mathieu Plante Show. Thank you. à CIFU pour l'écouter. 89.1. La pièce Windmill Hills sur la trame sonore de Donkey Kong Country Tropical Freeze, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je disais que c'était une de mes trames sonores de jeux vidéo préférées. C'est quand même semi-récent, là. Ça date d'il y a un an environ. Donc Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Nintendo Wii U. Et maintenant, c'est le moment de passer à Television. Television, la chronique dans laquelle on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Oui, on va commencer au Québec, comme on le fait toujours, on fait Québec, Canada, international, Internet dans l'ordre. Commençons par la nouvelle qui a marqué Québec depuis les derniers mois, c'est dans le domaine de la télé, bien sûr, c'est la CSST, la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, qui a tranché sur l'accident de voiture qui a coûté la vie au cantinier Carl Schunemann, et ça n'a finalement rien à voir avec les conditions de travail sur les plateaux de tournage des séries Rupture et Blue Moon, toutes deux produites par Fabienne Larouche. On n'avait pas parlé du sujet parce que tous les grands médias en avaient parlé, mais au moins la réponse, la conclusion finalement est quand même importante, hein? Autant que la mort du gars, mais quand même. Donc la CSST conclut que le décès de Carl est dû à une fausse manœuvre effectuée alors qu'il conduisait son propre véhicule, a fait savoir la maison de production Aetios par voie de communiqué. L'inspecteur considère que l'employeur avait prévu suffisamment de temps de repos entre les journées de travail précédant l'accident du cantinier, de manière à ne pas entraîner un état de fatigue ou de somnolence du travailleur appelé à conduire son véhicule pour le travail. Le 7 septembre dernier, rappelons que l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son, l'Actis, avait annoncé par erreur le décès de M. Schunemann, associant son accident aux conditions de travail des plateaux de Fabienne Larouche, qu'elle jugeait inacceptable. Le cantinier, qui reposait alors dans le coma, a finalement succombé à ses blessures quelques jours plus tard. On reste au Québec avec V qui crée un téléthon nouveau genre pour soutenir Mira. La chaîne de télé V a décidé de revisiter la formule traditionnelle du téléthon en créant la Journée qui a du chien, un événement qui sera diffusé le 9 novembre pour soutenir la fondation Mira. V a dévoilé lors d'une conférence de presse animée par Eric Chalvaille les détails de cette programmation spéciale qui sera composée d'émissions et de films thématiques. Des affaires coûtent pas cher finalement. L'animation de cette journée se fera en direct de la place des festivals du quartier des spectacles, qui sera transformé en village Mira pour l'occasion. Il y aura plusieurs activités, dont 5 parcours de chiens guides et un enclos pour flatter les chiots. En soirée, un centre d'appel sera mis sur pied où plusieurs artistes se relayeront pour amasser des dons, entre autres des vedettes de V, hein, Joël Legendre, Mario Tessier, André Ducharme, Simon-Olivier Fecteau et Annie Soleil Proto qui seront de la partie, ainsi que plusieurs autres. Le public peut déjà offrir des dons en textant le mot « chien » au 45678 pour donner 10$ ou « Mira » au 45678 pour donner 20$. La Fondation Mira fournit gratuitement des chiens spécialement formés pour répondre aux besoins des non-voyants, des personnes ayant des handicaps moteurs ou des besoins en matière d'adaptation et de réadaptation. On va au Canada anglais maintenant. CBC qui a commandé une comédie en 13 épisodes qui tourne autour de 4 femmes qui jonglent entre leur carrière et leur vie personnelle. Working Moms a été créé par l'actrice et productrice Catherine Reitman et la série devrait être diffusée à l'automne 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Reitman, en fait, peut-être que vous la reconnaissez, mais pas son nom. C'est elle qui animait les chroniques Breaking It Down with Catherine Reitman sur YouTube. Elle va produire, réaliser et va être la vedette de Working Moms, Moms avec son mari Philip Sternberg. La série sera produite par sa compagnie Wolf & Rabbit Productions. CBC a un autre projet en développement avec Catherine Reitman. Le nom de travail est Starting Over pour l'instant. On va aux États-Unis. NBC veut adapter une autre saga de l'auteur de True Blood. La chaîne est en train de développer l'adaptation télévisée de la trilogie Midnight, Texas, écrite par la romancière américaine Charlene Harris. Le scénario de cette série dramatico-fantastique est actuellement en cours d'écriture et va suivre le destin des habitants d'une petite ville de l'État du Texas en proie à des phénomènes surnaturels. Seuls 2 livres ont pour l'instant été publiés, Midnight Crossroads et Day Shift. Le 3e tome de la saga, intitulé Night Shift, sortira en librairie en mai prochain. À la précédente série littéraire de Charlene Harris, La communauté du Sud comporte 13 romans. Elle a été adaptée à la télé par Alan Ball dans la série True Blood avec Anna Paquin, Stephen Moyer ou encore Alexander Skarsgård au casting. Les 7 saisons de cette première série avaient en revanche été diffusées sur la chaîne HBO. Retour de Star Trek au petit écran. Une nouvelle version télévisée de la série culte Star Trek va être diffusée à partir du de janvier 2017. C'est ma dyslexie ici, sur CBS, mettant instantanément en émoi les millions de fanatiques de la fresque futuriste. Le projet est supervisé par Alex Kurtzman, qui a coécrit et coproduit 2 longs-métrages de la saga, Star Trek sorti en 2009 et Star Trek Into Darkness en 2013, a indiqué CBS. Alex Kurtzman s'est également fait connaître pour son travail sur plusieurs séries télé, notamment Fringe, Hawaii Five-O et Limitless. CBS Television Studios précise que cette nouvelle série n'aura pas de lien avec le prochain long-métrage de la saga intitulé Star Trek Beyond et dont la sortie est prévue pour 2016. Le groupe entend utiliser cette nouvelle série pour promouvoir sa plateforme en ligne CBS All Access qui donne accès au catalogue historique de séries de la chaîne moyennant un abonnement de 6$ par mois américain. Seul le premier épisode sera ainsi diffusé d'abord sur la chaîne CBS. Les autres seront directement accessibles via CBS All Access. C'est la première série de la chaîne à expérimenter ce parcours de diffusion, avec lequel je suis plus ou moins d'accord, là. C'est une série qui risque d'avoir du succès sur un grand réseau, donc de la garder seulement sur Internet, alors que l'autre va être diffusé d'abord sur la chaîne CBS. C'est pas clair dans l'article si les autres vont être disponibles seulement en ligne ou en ligne en premier et ensuite sur CBS. Ils ont fait la même chose avec d'autres séries sur NBC, donc j'imagine que c'est pas ça, vu que ça dit ici que c'est la première série. Ah, c'est la première série de la chaîne. D'accord. La série sera également diffusée à l'étranger par des chaînes et en ligne. La nouvelle série proposera de nouveaux personnages à la recherche de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations imaginatives, tout en explorant les thèmes contemporains qui sont la marque de la saga depuis sa création. Le premier épisode de Star Trek a été diffusé le 8 septembre 1966 aux États-Unis. La première version n'a duré que 3 saisons, mais son influence a été considérable, entraînant la production de pas moins de 12 longs-métrages et de 5 nouvelles versions télévisées, dont une en dessin animé. Toujours aux États-Unis, on change de sexe chez Van Helsing. L'obsession maladive des genres frappe encore une fois. Et maintenant, c'est le personnage classique de Van Helsing qui passe dans la moulinette de la dénaturalisation et qui change de sexe, nous dit l'article de TVQC.com. Je suis pas nécessairement d'accord avec dénaturalisation. La chaîne américaine Sci-Fi a signé une nouvelle série de la société Nomadic Pictures avec une personnage. Ça, c'est l'article encore une fois. Un personnage féminin, je pense qu'on dit. C'est pas parce que ça devient une fille que le mot personnage devient un mot... féminin, en ce cas, il me semble, en tout cas. Donc, la nouvelle série Van Helsing réinvente la marque Dracula avec la résurrection de Vanessa Helsing qui doit conduire l'humanité contre un monde contrôlé par les vampires. L'auteur-réalisateur Neil LaBute, qu'on connaît pour The Wicker Man, sera également showrunner. C'est un terme spécifiquement anglophone. En français, je pense même pas qu'il y a de traduction pour ça. Peut-être que j'ai un paquet de niaiseries aujourd'hui. Donc, le showrunner de la nouvelle série qui entrera en production en janvier 2016 à Vancouver. Van Helsing devrait débuter sur Sci-Fi à l'automne 2016. Est-ce que ce nouveau personnage s'inspirera de celui de la série de livres électroniques Vanessa Helsing de C.L. Maroon? Excellent gag. La série sera produite par Nomadic Pictures, qu'on connaît pour Fargo, avec comme producteur délégué Chad Oakes et Mike Frislev, Simon Berry de Continuum, Evan Tyler de Industry Works, Dave Brown de Equalic Entertainment et Daniel March de Dynamic. Dans cette nouvelle interprétation, le personnage central est maintenant une femme, Vanessa Helsing, la prochaine dans une lignée de guerriers qui doivent conduire l'humanité contre un monde contrôlé par les vampires. Lorsque Vanessa est ressuscitée 5 ans dans le futur, elle apprend les vampires. Elle apprend que les vampires ont pris le contrôle du monde et qu'elle possède un pouvoir unique sur eux. Elle est essentiellement le dernier espoir de l'humanité pour mener une offensive pour reprendre ce qui a été perdu. Vous voyez maintenant pourquoi TVQC.com est ma dernière source quand j'ai aucune autre place en français qui me donne ce sujet-là. Et en effet, il n'y avait aucun autre site qui en parlait. Je comprends pas trop. En tout cas, pas en date de tout à l'heure avant l'émission. Maintenant, Jon Stewart passe à la chaîne câblée HBO. L'humoriste américain Jon Stewart, popularisé par l'émission The Daily Show sur la chaîne câblée Comedy Central, rejoint un autre réseau câblé, HBO, pour lequel il produira du contenu en ligne initialement. Pareil comme John Oliver, finalement, qui a lui aussi fait la transition entre Comedy Central et HBO l'année passée. Début août, l'humoriste a présenté pour la dernière fois le Daily Show, dont il aura été maître de cérémonie durant 16 ans. À 52 ans, il avait décidé de souffler et de se consacrer à d'autres projets sur un rythme plus mesuré. L'accord exclusif passé avec HBO porte sur 4 ans, a indiqué la chaîne dans un communiqué. Dans un premier temps, Jon Stewart produira des programmes courts en ligne, donc des capsules qui seront disponibles notamment sur les plateformes HBO Now et HBO Go, qui permettent de visionner les programmes sur tout support. D'autres projets seront annoncés ultérieurement, selon HBO. Ça me surprendrait vraiment pas qu'ils aient l'idée de faire une émission d'une heure ou d'une demi-heure avec Jon Stewart dans le futur. Pour l'instant, il va calmement, c'est sur 4 ans, là, on a quand même le temps. Il dit, je cite, « Passer 22 minutes à l'écran chaque soir m'a clairement cassé. Je suis à peu près sûr de pouvoir produire quelques minutes de contenu de temps à autre », a commenté Jon Stewart. Maintenant, on reste en fin de soirée, comme le Daily Show était en fin de soirée, à Jimmy Fallon, qui fête trop selon NBC. Les dirigeants du réseau NBC seraient très inquiets du comportement de leur animateur vedette Jimmy Fallon. Ce dernier est un atout pour la chaîne grâce au Tonight Show, mais ses habitudes de consommation d'alcool pourraient rapidement le rattraper. Il faut savoir que Fallon s'est blessé trois fois plutôt qu'une au cours des derniers mois, après s'être coupé un doigt, ce qui a nécessité une opération et une hospitalisation, et s'être cassé une dent. Voilà que l'animateur a été reconduit à l'hôpital la semaine dernière à la suite d'une autre soirée bien arrosée. Fallon aurait lancé une bouteille de Jagermeister avant de tomber dans les éclats de vitre au sol. Une mare de sang s'est alors propagée et Fallon s'est retrouvé dans un établissement de soins de santé de Cambridge au Massachusetts. Une source interne a dévoilé au New York Post que Fallon inquiète ses patrons. Rejointe pour obtenir ses commentaires, la direction du réseau NBC s'est bornée à dire que Fallon était un précieux atout de l'équipe. Il faisait la même chose avant de sacrer dehors Colin O'Brien aussi. Fallon se serait aussi battu en avril 2014 en plus de se retrouver à nager sur le bar d'une boîte de nuit en janvier dernier. Chaque fois, l'alcool aurait été en cause. Fallon ne semble pas faire de cas de son style de vie, lui qui ne se gêne pas pour mentionner ses mésaventures au cours de son émission. Vivre et c'est vivre! Hein? S'ils ont envie de faire ça, ben c'est sûr qu'en même temps, il vaut des milliards de dollars pour NBC, donc ils ont peut-être un petit peu leur mot à dire. Hein? La Cadillac blanche de Tony Soprano est aux enchères. Oui, l'acteur James Gandolfini conduisait une Cadillac blanche dans la série de Sopranos à HBO et va être mise en vente aux enchères. La maison RR Auction, basée à Boston, précise que la Cadillac Escalade ESV 2003 a été montrée à l'écran pendant les trois dernières saisons de l'émission, qui mettait en vedette le regretté Gandolfini, dans la peau du parrain de la mafia Tony Soprano, James Gandolfini, qui est décédé en 2013. Le vice-président exécutif de RR Auction, Robert Livingston, a déclaré que l'intérieur de la voiture avait été autographié deux fois par Gandolfini, je sais pas pourquoi deux fois, là. Peut-être que ça vaut deux fois plus cher, deux signatures, je sais pas, mais la voiture va être mise en vente le 12 novembre. Le Figaro envisage, on passe à Internet, oui, on change de bloc, on passe à Internet. Le Figaro envisage de lancer une web télé d'information. D'abord sur Internet, puis éventuellement sur les boîtes télé, les boîtes câblées. Une chaîne d'information en direct, en studio, au sein de la rédaction, a annoncé le directeur général Marc Feuillet. Donc, ils envisagent une chaîne Le Figaro en direct, en interaction avec leur site Internet, donc de 9 à 10 millions de visites uniques par mois. Il s'agirait d'une chaîne en studio plutôt que de sujets tournés à l'extérieur et en aucune façon d'une nouvelle chaîne d'actualité en continu, disent-ils. Ils disent, je cite, « Nous produisons déjà des images en permanence pour la plateforme vidéo du site qui s'appelle Figaro TV avec une dizaine d'émissions en plateau. Nous nous sommes donc posé la question d'aller encore plus loin en linéaire et pas en vidéo découpée. Nous estimons qu'à côté des chaînes d'infos en continu, il y a de la place pour des formats innovants. » La vidéo est un axe de développement auquel le groupe songe de plus en plus. Il avait déjà été candidat en janvier pour lancer une chaîne locale sur la télé câblée en Île-de-France, en partenariat avec notamment la chaîne Grand Lille TV, mais sans remporter l'appel d'offres. Le groupe s'est dernièrement développé dans le numérique. Il vient de finaliser le rachat de CCM Benchmark, un puissant acteur dans le net français, pour environ 120 millions d'euros, ce qui l'a hissé au premier rang des groupes Internet français. Toujours sur Internet, Netflix commande une série produite par Selena Gomez. Donc, une série inspirée du roman pour jeunes adultes 13 Reasons Why avec Selena Gomez à titre de productrice exécutive. Le service a précisé avoir commandé une série de 13 épisodes. Brian Yorkey est le créateur et scénariste de l'histoire qui tourne autour d'une élève du secondaire qui s'est enlevé la vie après avoir laissé à des gens des cassettes expliquant comment ils avaient joué un rôle dans sa décision. C'est super dark. Il n'a pas précisé si Selena Gomez tiendrait un rôle dans la série, mais on peut s'y attendre comme elle sera productrice exécutive. Toujours sur Internet, le service de lecture en continu de musique Tidal se lance dans la comédie et la plateforme lancée en grande pompe par le rappeur Jay-Z ajoute une nouvelle corde à son arc en programmant une émission de stand-up intitulée No Small Talk, informe The Hollywood Reporter. 5 premiers épisodes de No Small Talk doivent être diffusés à partir d'hier, du mardi 3 novembre, les semaines suivantes. Toutefois, c'est pas la première fois que Tidal programme une émission. La plateforme avait inauguré ce créneau avec Money and Violence, une œuvre dramatique d'abord retransmise via YouTube. La première semaine de la seconde saison sera réservée à Tidal et est attendue en janvier 2016. Selon la presse américaine, Tidal compte élargir son public en s'ouvrant à de nouveaux genres de diffusion. Et toujours sur Internet, Yahoo annule le projet de Simon Cowell. On parlait un petit peu la semaine passée qu'il y avait des problèmes chez Yahoo. Mais le nouveau projet télévisé de Simon Cowell, Ultimate DJ, vient d'être annulé. Le projet semble donc mort dans l'œuf plusieurs semaines avant la première diffusion prévue, selon Billboard. Reprenant les mêmes thématiques que American Idol et X Factor, Ultimate DJ aurait mis en vedette d'aspirants DJ. L'émission a été produite en collaboration avec Yahoo, qui avait inclus Ultimate DJ dans son effort de programmation originale en 2016. Peu de détails sont encore connus quant au choix des dirigeants pour expliquer la décision. Il est cependant possible qu'un autre diffuseur potentiel puisse faire signe à Simon Cowell avec l'intention de poursuivre l'élaboration du projet. Yahoo avait également annoncé au cours des derniers jours l'abandon de la sitcom originale The Pursuit après les pertes d'argent énormes engrangées par, entre autres, la série originale Community, malheureusement. Ces annulations sont toutefois assurément liées donc à l'annonce de pertes avoisinant les 42 millions de dollars pour Yahoo, qui semble prendre un risque énorme avec son désir d'offrir de la programmation originale sur ses plateformes. Voilà, c'est bien triste tout ça. Allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 12 au 18 octobre pour Clark Television. On a du côté francophone de la 15e à la 6e place en rafale. Le hockey des Canadiens, ensuite l'Auberge du Chien Noir, les enfants de la télé, LOL, les pêcheurs, Mémoire vive, au secours de Béatrice, O, Vlog et Yamaska. En 5e, tout le monde en parle, qui a descendu pas mal par rapport aux années passées. 4e, pour Sarah, en 3e, Boomerang, en 2e, Le Banquier, en première avec 2 043 000, c'est unité 9. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, The Flash, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Blindspot, Gotham, How to Get Away with Murder, Criminal Minds, Grey's Anatomy, Blue Jays Central Postseason, Quantico et Survivor Cambodia. En 5e, MLB Playoffs, le baseball. En 4e, Castle. En 3e, NCIS New Orleans. En 2e, The Big Bang Theory. Et en première place, c'est avec 2 523 000 téléspectateurs NCIS. Version originale. Voilà, c'est tout pour Television. On est rendu à une pause, mais avant, on va entendre une pièce chiptune par l'artiste Imaginary. Voici Watermelon Lip Gloss. MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou! We'll be right back. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Par Congreo, précédé de Watermelon Lip Gloss par Imaginary ou Mathieu Planchot. Maintenant, c'est l'heure de Merci Science. Merci Science, c'est la chronique où on remercie la science d'exister. Ça le dit pas mal dans le titre, mais je l'explique quand même. T'sais. Le déplacement du ver de terre est le résultat d'un système de locomotion très complexe que les chercheurs s'efforcent de transposer à la robotique. Une équipe américaine y est parvenue avec succès et son robot ver de terre est capable d'onduler son corps pour se déplacer sur des sols lisses, mais aussi de se faufiler à travers des tuyaux beaucoup plus petits que son diamètre initial. Les applications envisagées couvrent aussi bien la médecine que l'industrie. Le péristaltisme est un ensemble de contractions musculaires dont se servent notamment les vers de terre pour se déplacer. Aussi banal qu'il puisse paraître de prime abord, ce mode de locomotion est à la fois complexe et mal connu. Il recèle pourtant un potentiel tout à fait intéressant en robotique, en particulier dans la perspective de création de robots mous. Aux États-Unis, une équipe de scientifiques de l'Université Case Western Reserve a réussi à créer un robot vers de terre dont le corps entièrement articulé se contracte de façon séquentielle et reproduit très fidèlement le péristaltisme. Ce CMM Worm pour Compliant Modular Wish... Compliant Modular. C'est difficile. Trop difficile pour moi. J'aime ça. Compliant Modular Mesh Worm. Mis au point par le laboratoire de Biologically Inspired Robotics et composé de 6 segments qui peuvent se contracter jusqu'à 52% de leur diamètre maximal. Le corps est fait d'un maillage de modules articulés fabriqués avec une imprimante 3D qui sont reliés entre autres... Reliés, ça faisait très fluvien. Par des tubes de nylon. Le tout est actionné par des petits moteurs qui créent le mouvement de contraction synchronisé s'apparentant à la forme d'onde continue que l'on observe notamment chez les lombriques. Le système est actionné par un logiciel qui simule un contrôleur neuronal qui va créer ses différentes formes à travers le corps du robot. Donc, les chercheurs de l'université Case Western Reserve envisagent diverses applications qui peuvent couvrir des domaines aussi variés que la médecine, comme la chirurgie, l'endoscopie, l'industrie, comme l'inspection de tuyaux et de canalisations, ou encore les situations d'urgence pour des missions de recherche et sauvetage après des catastrophes. On reste dans le biomimétisme, ça c'est d'imiter les animaux pour faire des robots ou des trucs scientifiques ou dans ce domaine-là. Les étonnantes propriétés d'adhérence des pattes des geckos n'en finissent pas d'inspirer les chercheurs et les industriels. Cette fois-ci, c'est le constructeur automobile nord-américain Ford, associé à Procter & Gamble, qui se lance dans un projet de biomimétisme pour produire des cols plus bio. Les petits lézards de la famille des geckos sont dotés d'aptitudes uniques leur permettant de grimper et d'adhérer à n'importe quelle surface, et bien c'est pourquoi des scientifiques ont décidé de les étudier en vue de développer des cols plus durables et de meilleurs systèmes de recyclage. Même si des scientifiques se sont déjà penchés sur les aptitudes de ces lézards, c'est la première fois que la production automobile étudie ces petits reptiles en vue d'améliorer les performances environnementales d'une industrie très polluante. Ford a annoncé travailler avec la firme Procter & Gamble sur un projet de biomimétisme qui va essayer d'imiter la capacité qu'ont les geckos à adhérer aux surfaces sans laisser de traces ni de résidus. Les cols et autres adhésifs sont beaucoup utilisés dans la production des véhicules, mais ils sont puissants et représentent un frein au recyclage des voitures mises au rebut. De la même manière que la résistance et la complexité des toiles d'araignée fascinent et inspirent les scientifiques et les ingénieurs, la capacité d'adhérence du gecko capable de supporter jusqu'à 133 kg, soit environ 190 fois son poids de 71 g en moyenne, est une source intarissable de recherche. Par le passé, l'étude approfondie des moustiques a permis d'améliorer les aiguilles médicales, tout comme les recherches concernant le martin pêcheur ont permis de mettre au point le train japonais le plus rapide du monde. On reste encore dans le biomimétisme avec les coléoptères blancs. Il n'est probablement pas possible de concevoir un matériau parfaitement noir qui absorberait 100% de l'énergie venant à le frapper. Mais plusieurs équipes de recherche s'en sont pourtant approchées de très près. Les scientifiques de l'université King Abdullah en Arabie Saoudite viennent de proposer une nouvelle approche inspirée d'un coléoptère d'une blancheur exceptionnelle. Dans la course à la conception de matériaux toujours plus noirs, on annonçait un record du monde en 2008, puis au printemps 2014, une entreprise britannique avait annoncé avoir produit le matériau le plus noir jamais rencontré sur Terre. Le Vanta Black, tel qu'il a été baptisé, absorberait 99,965% de la lumière incidente. Le tout grâce à une structure à base de nanotubes de carbone. Selon un article paru récemment dans les colonnes de Nature Nanotechnology, des scientifiques de l'Université King Abdullah en Arabie Saoudite ont conçu un matériau de ce genre qui absorberait 26% de lumière de plus que les nanotubes de carbone à l'état brut. Rappelons que la couleur noire qu'on perçoit est ni plus ni moins que le résultat de l'absorption de la lumière par le matériau. Ainsi, le charbon, par exemple, absorbe 99,5% de la lumière visible et nous apparaît déjà très noir. Le Vanta Black, quant à lui, réfléchit tellement peu de lumière qu'il devient impossible de distinguer les reliefs des objets. Plus que comme du noir, il est perçu comme une absence de matière et on imagine assez bien l'intérêt que peuvent y porter les militaires, entre autres. Les matériaux noirs pourraient ainsi profiter au secteur de la production d'énergie solaire. En absorbant la lumière mieux que quiconque, ils pourraient permettre de concevoir des capteurs solaires d'une efficacité redoutable. Les chercheurs de l'Université King Abdullah ont cédé aux sirènes du biomimétisme. On a déjà expliqué ça tantôt. Première application concrète obtenue à partir de ce nouveau matériau, une source de lumière monochromatique innovante en pompant un amplificateur optique à colorant à l'aide d'impulsions nanosecondes de l'ordre de quelques 100 milliwatts de puissance. Les chercheurs ont pu exploiter la noirceur structurelle du matériau. Ils ont ainsi créé une source de lumière qui génère des émissions monochromatiques sans avoir besoin de recourir à la résonance. Le résultat obtenu grâce au fait que toute l'énergie électromagnétique absorbée par le matériau génère spontanément une impulsion d'une seule couleur. Au Royaume-Uni maintenant, des chercheurs universitaires associés à une jeune pousse ont trouvé le moyen de déplacer des objets millimétriques en se servant uniquement d'ondes sonores. Selon eux, ce rayon tracteur pourrait un jour servir de nombreuses applications, notamment pour la diffusion de traitements médicaux ou pour manipuler des matériaux délicats ou dangereux. Qu'il s'agisse de Star Wars, de Star Trek ou de nombreux autres ouvrages de science-fiction, le concept du rayon tracteur a fait rêver des générations de passionnés. La réalité a déjà commencé à rejoindre cette fiction avec les résultats obtenus par les chercheurs américains qui ont pu créer un tel rayon à l'aide de deux faisceaux laser. Si la lumière peut donc servir à déplacer des objets, le son peut faire de même. C'est ce que vient de démontrer une équipe de scientifiques des universités de Bristol et de Sussex au Royaume-Uni qui a travaillé de concert avec une jeune entreprise innovante nommée Ultra Haptics. Ensemble, ils ont créé un rayon tracteur acoustique grâce auquel il est possible de faire léviter et de manipuler des objets de taille millimétrique. Dans leur article publié par la revue Nature Communications, les chercheurs expliquent comment ils ont réussi à maîtriser les ondes sonores à haute amplitude pour générer différents hologrammes acoustiques. Pour cela, ils ont utilisé 64 transducteurs à ultrasons de 10 mm de diamètre et 40 kHz. Il s'agit d'une technologie mise au point par Ultra Haptics, une start-up issue de travaux précédents de l'Université de Bristol, à laquelle Futura Science avait consacré un article que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. À l'origine, le dispositif a servi à développer une interface à retour d'effet à la surface d'un écran par modulation de la pression d'air. Le système permet de ressentir les reliefs d'une interface et de la contrôler sans être en contact avec l'écran. Pour adapter le dispositif, le professeur Drinkwater, il s'appelle vraiment le professeur Drinkwater, comme il boit de l'eau. C'est peut-être ça, Boileau, le nom de famille Boileau, ça vient peut-être de Drinkwater, pour vrai. Et son équipe, donc lui et son équipe, ont enchaîné les simulations informatiques de forces acoustiques jusqu'à trouver la bonne combinaison entre l'amplitude et le déphasage des transducteurs afin de créer les conditions d'une lévitation stable. Il y a une petite vidéo de démonstration qui accompagne le texte et ça montre des billes de polystyrène de 4 mm de diamètre qui lévitent, tournent et s'assemblent sous l'effet de la pression exercée par les ondes sonores. Dans le domaine industriel, on envisage des applications pour gérer la manipulation et le transport de matériaux sensibles ou dangereux tels que les médicaments ou les explosifs. En se servant de l'équivalent d'un routeur Wi-Fi et de plusieurs algorithmes très performants, des chercheurs du MIT sont capables de voir la silhouette d'une personne à travers les murs et même d'en distinguer plusieurs. Cette technologie appelée RF Capture utilise les ondes radio. Elle a déjà une application concrète avec un projet de système de détection de chute des personnes âgées. D'autres débouchés sont envisageables dans les jeux vidéo, la domotique et même au cinéma. C'est pas encore la Vision X de Superman, mais c'est tout de même impressionnant, nous dit Futura Science au Computer Science and Artificial Intelligence Lab, le CSAIL, du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. J'ai zozoté un petit peu là-dessus. L'équipe a mis au point un dispositif qui utilise des ondes radio pour voir à travers les murs une personne. RF Capture donc s'apparente à un routeur Wi-Fi qui envoie un signal radio et se sert de la réflexion des ondes pour reconnaître une silhouette humaine. La technologie RF Capture utilise un réseau de 20 antennes qui transmettent des ondes radio comprises entre 5,46 et 7,24 GHz capables de traverser les murs. Ces fréquences sont inférieures à celles utilisées par les rayons X et les systèmes à ondes millimétriques. Les ondes se propagent à travers un bâtiment et vont rebondir sur la personne qui se trouve dans une pièce. L'émetteur-récepteur capte la réflexion des ondes et les analyse pour déterminer la silhouette de celui ou celle qui se trouve derrière les parois. Le système repose sur plusieurs algorithmes qui génèrent des séries de clichés en 3D, des réflexions de ces ondes radio au fur et à mesure que la personne se déplace. Ces images donc sont ensuite assemblées pour reconstituer les différentes parties du corps. Selon les résultats publiés dans l'article scientifique qui sera présenté le mois prochain à la conférence SIGGRAPH Asia, RF Capture est suffisamment performant pour pouvoir distinguer 5 personnes avec une précision de 95,7% et 15 personnes avec une précision de 88,2%. Il peut identifier quelle partie du corps est en mouvement avec 99,13% de précision si la personne se trouve derrière un mur, mais à 3 mètres de l'appareil, et 76,4% si elle se trouve à 8 mètres de distance, ce qui est quand même, on va se dire, assez impressionnant. L'équipe du CSAIL a déjà commencé à explorer les débouchés commerciaux de cette innovation avec la création d'un produit nommé Emerald. Il s'agit d'un boîtier semblable à un routeur Wi-Fi qui peut détecter les chutes de personnes âgées dans leur domicile et prévenir des membres de la famille ou les secours. Lors d'une démonstration organisée à la Maison-Blanche en présence de Barack Obama, les concepteurs d'Emerald ont également montré que les ondes radio peuvent servir à surveiller la respiration et le rythme cardiaque. La personne n'a pas besoin de porter de capteur et le système fonctionne à travers toutes les pièces d'un petit appartement. Selon ses concepteurs, Emerald peut même faire de la prévention en analysant la démarche du sujet pour détecter tout changement dans sa mobilité et en déduire un risque de chute plus élevé. Le dispositif est encore en cours de développement et aucune date de lancement n'a été annoncée pour le moment. Pour vrai, c'est vraiment super impressionnant et en même temps, ça fait vraiment peur. Si le gouvernement américain peut surveiller vos appels téléphoniques et après ça, ils peuvent surveiller vos faits et gestes avec une caméra Wi-Fi, Big Brother, bonjour. Hein? Théorie du complot, ça fait peur. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Les liens sur assemblagerequis.com. On est rendu à prendre une petite pause de chiptune comme on aime tant le faire. Et on s'en va entendre une autre pièce excellente qui nous provient de Lamer Pinky. Hein, Lamer Pinky? La pièce s'appelle Way to Unify. Et ça va commencer dans, je dirais, 3, 2, 1, maintenant. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou, 89.1. Motion Ride, la pièce 99 Lives Left. Et avant, c'était Way to Unity par Labor Pinky au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le segment Geek Citix. CNX, c'est la chronique de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, je vous dirais. On va essayer de faire ça rapide aujourd'hui, on n'a pas tant de temps que ça pour les nouvelles. Donc, allons-y avec les nouvelles du futur. Pour commencer, Mastercard qui s'allie au designer Adam Selman pour créer des vêtements qui se paient tout seuls. Donc, une puce logée dans le vêtement contiendra vos informations bancaires et vous permettra de faire un paiement sans même avoir à sortir votre portefeuille. Après avoir créé la fameuse robe transparente portée par Rihanna au gala du Conseil des designers de mode d'Amérique, le designer se lance dans la mode technologique. En entrevue avec la presse canadienne, la responsable des canaux digitaux, donc numériques, hein, de Mastercard, Sherry Hammond, a affirmé que le designer avait été choisi parce qu'il est innovateur, très créatif. Quand nous avons rencontré Adam, sa vision et notre vision étaient réellement connectées. L'idée d'insérer des puces de paiement dans les vêtements s'inscrit dans une optique d'augmentation de l'accessibilité à diverses méthodes de paiement. Ensuite, un robot qui conduit une moto. Les véhicules sans chauffeur, c'est du passé. En place aux véhicules conduits par les robots, dit le Huffington Post. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire en découvrant Motobot, un robot construit par Yamaha et conduisant une moto. Dévoilé à l'occasion du Tokyo Motor Show, ce robot humanoïde a été conçu pour pouvoir conduire une moto tout à fait normale, non modifiée. Dans la vidéo sur assemblagerequis.com, Yamaha fait parler Motobot, expliquant qu'il n'est pas encore très performant, mais espère apprendre pour à terme nous surpasser tout simplement. Reste à comprendre à quoi ça pourrait servir. Eh bien, Motobot peut aller jusqu'à 100 km et la moto a de petites roulettes comme sur les vélos pour enfants. Preuve que Motobot n'est pas tout à fait au point. Si l'idée d'un robot conduisant une moto peut sembler saugrenue, Yamaha affirme que ce défi cache bien plus qu'une simple prouesse insolite. Je cite, « Le fait de contrôler les mouvements complexes d'une moto à une vitesse importante requiert une variété de systèmes de contrôle qui doivent fonctionner avec une grande précision. » Nous voulions utiliser les connaissances acquises dans la création de cette technologie fondamentale pour créer des systèmes avancés d'aide aux moteurs. Finalement, ce robot bizarre pourrait donc permettre de transposer aux deux roues les systèmes d'assistance semi-automatique qui commencent déjà à exister sur les voitures. Le retrait de colis débarque en station-service. Récupérer ses commandes, passer sur Internet en faisant son plein de carburant, tel est le scénario que va proposer Total en équipant ses stations de consignes automatiques InPost. L'essor annoncé des consignes automatiques passera par les stations-service. À l'origine de cette initiative, Total et plus précisément la division marketing InPost, leader mondial du secteur avec ses abris colis. Les deux sociétés viennent de conclure un partenariat visant à équiper une centaine de stations du réseau Total, dotant de ses automates intelligents, capable de livrer un colis à n'importe quel moment. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces consignes automatiques permettront aux automobilistes de récupérer leurs achats effectués en ligne à l'occasion de leur déplacement quotidien ou lors de leur plein de carburant. Pour Total, c'est une façon d'ajouter une dose de services supplémentaires à ces stations et de les rendre plus attirantes. Et côté InPost, il s'agit de toucher les clients au bon endroit, bien sûr. Allons-y avec... payer avec n'importe quel objet. Après avoir mené des tests visant à régler des achats grâce au selfie, Mastercard compte aller plus loin encore. La société entend utiliser d'autres objets du quotidien pour permettre de régler des achats. Mastercard a mis au point un programme qui vise à doter de capacités de paiement de nombreux gadgets et accessoires du quotidien. La société compte développer plusieurs prototypes en intégrant la technologie dans des bijoux, des clés et d'autres catégories d'objets. Le programme commencera aux États-Unis au début de 2016. Plusieurs partenaires comme Adam Selman, dont on parlait tantôt, et le constructeur General Motors seront inclus dans le processus de fabrication. Les jeux de grattage passent au tactile. Rangez vos pièces de monnaie, la Française des jeux s'attaque plus sérieusement aux smartphones en 2015 dans le cadre de son plan FDJ 2020. Deux nouveaux jeux sont attendus très bientôt. Hormis quelques jeux à gratter avec sa souris, la Française des jeux était discrète sur le web sans parler du mobile, un retard qu'elle souhaite combler dans son plan à 5 ans, FDJ 2020. La responsable du numérique revient sur cette transition. À trois jours de l'arrivée de jeux mobiles, vous avez une petite entrevue à lire sur assemblagerequis.com. Un jeu à vocation à attirer une cible plus jeune et plus féminine et engager davantage ont été validés par un comité d'experts de façon à ce qu'ils ne deviennent pas addictifs, donc ne rendent pas accro. C'est ça. Le reste, c'est pas mal une entrevue. Au Japon, des engins de chantier autonomes guidés par des drones. Pour faire face à une importante pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur du BTP au Japon, la société Komatsu a recours à des engins de chantier autonomes appuyés par des drones. Ces derniers réalisent le travail de cartographie 3D des parcelles avant que pelleteuses et bulldozers sans conducteur n'entament le terrassement. On savait déjà que les drones pouvaient s'avérer fort utiles en archéologie pour aider les spécialistes dans leur travail de cartographie. Il n'est donc pas étonnant que le secteur du bâtiment et travaux publics, le BTP, s'intéresse à cette technologie. Ainsi, nous avons récemment appris que des drones servaient de chefs de chantier sur le site de construction d'un stade de basketball aux États-Unis. Chaque jour, ces engins survolent le site pour modéliser en 3D les travaux afin de comparer l'avancement aux projections des architectes. Une forme de surveillance qui fait débat, mais pourrait bien être de plus en plus utilisée dans les années à venir. Au Japon, la société Komatsu se sert de drones non pas pour contrôler les travailleurs, mais pour les remplacer. Cette entreprise presque centenaire spécialisée dans la fabrication d'engins de chantier a négocié son entrée dans le nouveau millénaire en développant des systèmes autonomes. Après avoir débuté avec des camions Ben autonomes pour l'industrie minière, Komatsu propose désormais des pelleteuses et des bulldozers sans conducteur qui servent aux opérations de terrassement. Et pour s'assurer de la précision nécessaire au déplacement de ces engins, la firme japonaise se sert de drones conçus par la jeune pousse nord-américaine Skycatch. Les développements, oui. Et les détails sur assemblagerequis.com. Allons-y avec les tatouages du futur. Tiens, si les tatouages du futur étaient animés, pour l'instant, la technologie n'est pas là et on nage en pleine science-fiction, mais deux artistes ont imaginé le concept et l'ont testé sans trucage ou presque. Dans une vidéo sur assemblagerequis.com, Oscar et Gaspard dévoilent des corps dont les tatouages semblent être bien vivants. Pourtant, précisent les auteurs, aucun effet spécial n'a été rajouté. Ce que vous voyez sur la vidéo correspond à ce que les spectateurs ont vu de leurs yeux. Donc on voit vraiment des formes se créer, des engrenages tourner sur eux-mêmes, des étoiles tourner, des trucs se dessiner sur le corps. Pour arriver à ce genre d'effet, les deux artistes utilisent le concept du mapping vidéo qui permet de projeter de la lumière sur des structures en relief. Oscar et Gaspard sont spécialisés dans ce type d'art et avaient déjà fait parler d'eux il y a quelques années avec une petite vidéo de mapping d'une tête humaine. Allez voir sur assemblagerequis.com, encore une fois. Non, peut-être pas ça non plus. Non, j'en saute plein. Amazon va lancer des vêtements. Amazon avance ses pions avec l'annonce possible de sa propre marque de prêt-à-porter. Amazon envisage de développer sa propre ligne de vêtements, c'est ce qu'a laissé entendre Jeff Ursesin, responsable d'Amazon Fashion, une page dédiée à la mode lors de la Women's Wear Daily, un événement pour les professionnels de la mode aux États-Unis. La portée va plus loin encore. Donc une marque refuse de vendre tel produit sur Amazon, alors Amazon va en fabriquer un similaire lui-même et le vendre. Hein? Une méthode forte qui devrait concerner au premier chef les marques de luxe qui ne veulent pas vendre sur la plateforme en ligne pour rester cohérente avec leur positionnement de luxe. Pour Amazon, l'habillement a été identifié comme un vecteur de croissance puissant, au même titre que l'alimentaire, en couvrant toutes les gammes de vêtements. Le marchand électronique ne veut pas pouvoir être pris en défaut. Mais est-ce que ces copies suffiront à convaincre une clientèle de luxe? Il y a des gens qui ont des goûts de luxe, mais qui ne veulent pas nécessairement payer pour le de luxe. C'est des wannabes, comme on appelle un petit peu des fois. Enfin, Facebook va éliminer l'autre boîte de messages privés que vous ne consultez jamais. Les messages privés d'utilisateurs qui ne figurent pas sur votre liste d'amis se transformeront en demandes de conversation. En ce moment, lorsqu'un inconnu vous transmet un message privé sur Facebook, celui-ci est redirigé dans une boîte de réception qui s'appelle « Autre » et ça rassemble tous les messages de spam. Il n'y a personne qui va jamais, jamais, jamais là. Facebook n'y a jamais prêté attention. Si vous êtes curieux de voir de quoi ça a l'air, rendez-vous dans votre inbox et allez cliquer sur « Autre ». Peut-être allez-vous trouver des opportunités ratées, nous dit Branchez-vous. Mais cette façon de procéder est sur le point de changer. En effet, le responsable de la messagerie privée de Facebook, David Marcus, a annoncé que la boîte de messagerie autre allait disparaître au profit d'un système de demande de conversation. Je comprends pas comment ils ont une personne responsable de la messagerie privée, mais il y a jamais rien qui change dans la messagerie privée. À part ajouter des petits collants de fois de temps en temps, le reste reste très très très générique comme boîte de courriel. Si tu vas dans ton inbox, tu peux archiver ou effacer, ou marquer comme lu et archiver. Si tu restes dans ta page d'accueil, dans la petite boîte en haut avec la petite bulle, tu peux même pas archiver, tu peux juste marquer comme lu. Moi, c'est un manque que je trouve flagrant. Je veux pas avoir à aller dans mon inbox pour aller cliquer sur archiver. C'est pour ça que les gens ont 99 millions de messages dans leur boîte, parce qu'ils vont pas dans la boîte inbox pour aller archiver. Moi, je préfère avoir zéro message, si je peux, dans ma boîte. Le inbox zero, c'est ma passion. Sur Gmail, zéro courriel, la plupart du temps. Bref. Lorsqu'un inconnu vous transmettra un message, une alerte sera transmise vous informant qu'un ou plusieurs nouveaux messages provenant d'inconnus vous ont été acheminés. Vous pourrez alors choisir d'autoriser la conversation afin de recevoir les notifications des nouveaux messages provenant de cette personne. C'est ça le problème, c'est que sur la version mobile, sur la version application iPhone et Android de Facebook, t'as aucune possibilité de voir cette boîte autre. Elle n'existe pas. Il faut absolument aller sur l'ordinateur. C'est bien normal, donc bien des gens ne reçoivent pas les messages quand vous les envoyez à des gens que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça. Ça va arriver. Ça va être en haut de votre boîte de messages sur Messenger. Ça va dire « Conversation demandée » ou « Message request ». Allons-y avec... je pense qu'on va s'arrêter là pour CNX pour l'instant. On va aller sur le top. Oh, le top 10 est de retour depuis quelques semaines, depuis 3 semaines environ. Il y avait seulement un top 9 des jeux vidéo sur, sur la source où je prends les jeux les plus loués pour ne pas leur faire la publicité, je tais le nom. Donc, 10e à 6e place, Destiny The Taken King Legendary Edition, NHL 16, Yoshi's Woolly World, NHL 16 sur la PS4, WWE 2K16 sur la Xbox One. En 5e, Legend of Zelda Triforce Heroes sur la 3DS. En 4e, WWE et 2K16 sur la PS4. En 3e, Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One. En 2e, Assassin's Creed Syndicate sur PS4. Et en première place, c'est Halo 5 Guardians sur la Xbox One. Voilà. Allons entendre une pièce de Pegboard Nerds qui s'appelle Pink Cloud. Et c'est un duo de producteurs danois et norvégiens connus pour leurs disques, leurs albums sur Monster Cat. Ils viennent de sortir un vidéoclip pour un maxi pour une œuvre de bienfaisance qui s'appelle donc Pink Cloud. C'est une aventure en art pixel et c'est les deux producteurs qui essaient de vaincre un volcan terrible qui transforme les poitrines en monstres. Quelque chose de genre, c'est un peu étrange, hein? Mais écoutons ça, Pegboard Nerds avec Pink Cloud au Mathieu Planche Show sur C'est Fou. Et après ça, on revient se dire au revoir! Still feels like heaven, 'cause we don't let the bad vibes get in, we don't let them win. Testify to the strength of a true bond, flying high over the heads of a root mob, staying at the revolution of the whole club, killing all with love. Pegboard Nerds, Pink Cloud. Oui, c'est super pop, mais le vidéoclip est vraiment cool, c'est super 8-bit. Et en effet, comme j'ai dit tantôt, j'étais pas sûr de ce que j'avançais, que des poitrines étaient transformées en monstres. Ben, c'est exactement ce que le vidéoclip montre. C'était complètement honnête, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Plante Show. Pour aujourd'hui, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, en direct les mercredis entre 15h et 17h. En rappel, les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis, du lundi au jeudi à 6h30 et au Palmarès C'est Fou les mardis à 15h. Programmation sur CIF.ca. Note de l'émission est balado-diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec Leandro Abreu et une version remixée d'une chanson de Super Mario 64 ou 64. C'est Sunken Ship par ce monsieur Leandro R. Bruce, la pièce Dire, Dire Ducks, de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, ainsi que Samuel Girard. C'est Mathieu Plante, vous avez été planté, et à la semaine prochaine!